Chapitre 5. Le poids de l'infamie. Robert et Raoul ne voulurent pas s'en tenir à l'étude seule de ces dossiers. Ils voulaient aller jusqu'au bout de leur enquête, ne rien laisser dans l'ombre. Ils tenaient à ne rien omettre pour arriver à l'absolue réparation du passé. Dans les dossiers, ils trouvèrent des notes écrites par leur père, disant seulement ceci : « Procès, plaidez-le, gagnez-le. » Cela leur indiqua une nouvelle source de renseignements. « Évidemment, dit Raoul, notre père a dû soutenir de nombreux procès. De telles affaires ne se traitent pas pendant de longues années sans que les tribunaux s'en mêlent. Donc, nous allons en retrouver trace au palais. Je me charge de recueillir les documents concernant notre père. Tu vas les demander aux avocats qui ont plaidé, communication des dossiers ? Non, Robert, mes confrères ne me donneraient que des documents complets. Nous n'entendrions qu'une version. Alors, comment feras-tu ? Nous avons mieux. Nous avons le compte-rendu complet des débats. La physionomie de l'audience, les attendus, le jugement rendu. Je vais aller consulter le répertoire de la Gazette des tribunaux. Ah oui, c'est ce qu'il faut faire. Nous trouverons consignés, sinon tous, du moins les plus gros procès soutenus par notre père. Et nous saurons ce que réellement étaient au fond ces procès. Même ceux portés sur les fiches comme gagnés. C'est cela. Peut-être, fit Robert, trouverons-nous aussi des documents qui excuseront notre malheureux père, qui parleront en sa faveur, qui déchargeront sa mémoire et allégeront notre cœur oppressé par le poids de l'infamie. Espérons-le, mon bon Robert, espérons-le. Raoul donc consulta les archives du palais et releva tous les procès dans lesquels figurait le nom de son père. Puis, il se munit de la Gazette des tribunaux et de divers journaux et publications judiciaires qui relataient ses affaires. Cela formait des ballots de papier assez volumineux. Il ne les fit pas porter naturellement à l'hôtel de ses parents, mais à son cabinet de la rue des Mathurins. Les deux frères alors se mirent à compulser ces documents, à lire les comptes rendus. Raoul lisait tout haut pour Robert les plaidoiries des avocats et analysait les attendus des jugements. Chaque fois, M. Montreuil sortait vainqueur de ces débats. Mais les considérants du jugement étaient accablants pour lui. Les déclarations des plaignants torturaient encore, après de longues années, les fils du vainqueur. Leur père maintenant leur apparaissait sous un jour dont, même en soupçonnant jusqu'ici le pire, ils ne pouvaient oser concevoir l'idée. « Forbans, corsaires, usuriers, disaient les plaignants. Et parfois revenait l'apostrophe terrible « assassin ». Un des adversaires alla même jusqu'à préciser « Non seulement vous volez vos clients, cela encore serait compréhensible, sinon excusable, mais vous avez dépouillé votre premier, votre meilleur ami, vous avez nié le dépôt que cet homme eut l'imprudence de vous confier, et lui, qui vous a tiré de l'ornière, vous l'avez ruiné, vous l'avez jeté dans la misère, lui et sa famille, vous avez causé sa mort. Allons, disons le mot, vous l'avez assassiné. » Raoul, qui lisait cette partie de la plaidoirie, frémissait. Il s'arrêta. « Poursuis, » dit Raoul, angoissé. « Oui, oui. » « Vous avez pu prouver qu'il s'était suicidé chez vous. Mais c'est vous qui avez armé sa main, si vous n'avez pas tiré sur lui. Vous l'avez tué. Vous êtes sinon de fait même, du moins moralement, l'assassin de M. Ménardier. » Ensemble, les deux frères poussèrent un cri. « Ménardier ?» Ils répétèrent tous deux, se regardant affolés. « Ménardier ?» Raoul laissa tomber le journal. « Non, non » s'écria-t-il, « non. Tout le reste peut être vrai, mais pas cela, cela n'est pas possible, ce n'est pas possible !» Maintenant, se tenant la tête comme s'il redoutait qu'elle n'éclatât sous la fièvre que lui donnait ce coup épouvantable, il marchait dans la pièce, sans voir, se heurtant au meuble, au mur, et machinalement il répétait en sanglotant « Non, non, pas ça, c'est trop affreux, pas ça !» Robert, lui, regardait son frère. Il le suivait douloureusement des yeux. Puis Raoul alla s'affaler dans un fauteuil au bout de la pièce, redisant son cri qui lui déchirait la poitrine. « Non, c'est trop cruel. Non, mon père n'a pas tué M. Ménardier. C'est impossible. Ça ne se peut pas. Non !» Robert alors ramassa le journal. Il chercha l'article et reprit tout bas la lecture. « Et maintenant, votre œuvre, la voilà. » Vous ruinez un honnête homme, dont chacun ici salue avec regret la mémoire vénérée. Vous jetez sa jeune femme dans la misère et vous volez jusqu'au pain de ses enfants. La ruine, le suicide ou l'assassinat, une veuve et deux orphelines, voilà ce qu'a fait le banquier Montreuil. Robert, à son tour, laissa tomber le journal. Lui, il ne cria pas comme Raoul, il ne se prit pas la tête dans sa douleur folle. Il ne marcha pas comme pour fuir ce supplice, mais il tomba dans un fauteuil, et longuement, silencieusement, il pleura. Raoul se leva et vint à son frère. « Ce journal a menti, n'est-ce pas ? Tout ça n'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai, ce sont des paroles d'avocat, c'est faux, c'est inadmissible, c'est impossible !» Robert secoua la tête. « Tu crois que c'est vrai, toi ?» fit Raoul. « Tu peux admettre, je le savais déjà, avant de lire ce journal. » Raoul regarda son frère. « Tu savais, qu'est-ce que tu savais ? Comment pouvais-tu savoir ?» Robert répondit doucement. « Je savais que Madame Ménardier avait été ruinée. Je connaissais le drame, mais j'ignorais le nom du banquier auteur de cette ruine. Qui t'a raconté cela ?»« Madame Ménardier elle-même. » Raoul sursauta. « Madame Ménardier ? C'est elle qui ? C'est Madame Ménardier ? Mais comment a-t-elle pu ? Tu la connais donc ? Tu lui as parlé ? Je la vois tous les jours. Où cela ? Madame Ménardier, que ce malheur accablé est mourante. Un docteur la soigne, cherchant à la faire vivre encore quelques jours pour ses deux filles. Ce docteur est celui qu'on appelle chez les pauvres gens le docteur Robert. Toi ? Oui, Raoul, moi. C'est toi, toi qui soignes Madame Ménardier, la veuve de cet homme que notre père... Raoul reprit par ses sanglots, dit à son frère. Mais tu ne sais pas, Robert. Tu ne peux pas savoir combien tout cela est épouvantable, affreux, terrible. Tu ne soupçonnais pas quel nouveau malheur, quelle grande et inguérissable douleur cela va causer maintenant. Tu ne sais pas. Robert se leva. Il vint à son frère et le prenant dans ses bras affectueusement, il lui dit « Si, je sais que tu aimes Riri. » Il ne donna pas à son frère le temps de lui poser de questions et le berçant sur sa poitrine comme on fait d'un enfant qui souffre, il dit « Je t'ai vu, impasse Ganneron. Je connais ton amour. Je sais de quelle force tu aimes cet adorable Riri. Pleure, mon bon Raoul, pleure. Puisse avec tes larmes ton cœur se vider, pleure. » Devant la navrante douleur de son frère, Robert, oubliant que lui aussi il aimait Riri, oubliant qu'il souffrait déjà depuis longtemps en secret ce que Raoul endurait en ce moment, oubliant que c'était pour Raoul qu'il avait, lui, broyé son cœur, il cherchait tendrement à réconforter Raoul, à l'encourager, à le consoler. Et c'était une scène tout bonnement admirable de générosité, d'amitié fraternelle, de grandeur d'âme.